cours numéro 20. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fi darsina al-akhir, on a commencé la lecture de kalam al-imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi fi al-hajr. Faliyoum, on essaye de finir هذا الكلام الجميل ونسأل الله عز وجل التوفيق. قال رحمه الله: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر قوما آخرين، وقد تكون المؤلفة قلوبهم أشر حالا في الدين من المهجورين. أي dans le درس précédent on avait lu kalam Cheikh l'Islam rahmatullah alayhi, il avait démontré an al-hajr yakhtalif bi ikhtilaf al-hajirin fi quwwatihim wa dha'fihim etc. par rapport à al-maslaha, et c'est pas tous ceux qui font une mukhalafa annahum méritent al-hajr. Certains min al-hikma et al-maslaha c'est de leur faire al-hajr, de les boycotter, et d'autres non. Et il a démontré certains points rahmatullah alayhi. وهنا قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما. التأليف c'est le fait de rassembler. يتألف أي يغابخوشي certains. ويهجر قوما آخرين. Et d'autres il leur faisait الهجر. لماذا وقد تكون المؤلفة قلوبهم أشر حالا في الدين من المهجورين. Alors que ceux qui se font boycotter ils étaient meilleurs que ceux qui ne se faisaient pas boycotter. Ça montre, et en fait, c'est min al-rahma. Ça montre, comme on a dit dans notre dars, et il y avait un kalam de Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim, on ne l'a pas lu, on peut le lire هنا, c'est munasib. Anna al-rahma, et vouloir le bien pour son frère, c'est pas que les sourires, c'est pas que lui donner. Là, كذلك النصيحة هي أحيانا الهجر هي une فائدة في الحقيقة c'est une رحمة pour lui, c'est pour son bien, c'est pour qu'il revienne إلى الطريق. Et il y avait un كلام d'Ibn al-Qayyim, est-ce qu'on va le retrouver rapidement? نعم الحقيقة on aurait dû le citer dans le درس précédent لكن سهل. قال فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره. Ça c'est من رحمة الأب. Le père, ربما il va corriger son enfant, il va le frapper, il va lui parler avec قوة, avec force, ربما il va le punir إلى آخره. Tout ça c'est من باب الرحمة. Est-ce que ce père il veut du mal à son enfant? Là, فلهذا قال ابن القيم ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره ويمنعه شهواته التي تعود بضرره ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به. Et celui qui ne corrige pas son enfant et qui ne fait pas attention et qui ne sert pas أحيانا فالحقيقة il a un manque de rahma. Contrairement à un مفهوم كثير من الناس, il voit واحد qui éduque son enfant ou qui éduque un de ses élèves ou qui éduque واحد qui l'écoute et احيانا يغلظ القول, il pense que c'est un manque de rahma. بعض الناس ils ont un مفهوم de l'hikma c'est sourire فقط et donner. Là l'hikma ça met chaque chose à sa place. Et là chaque, on répète et on l'a souvent dit هذا ان الاصل c'est الرفق, la base c'est la douceur. لكن احيانا هذا c'est مفيد. قال ابن القيم رحمة الله عليه وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم. الأم على plus de faiblesse que le père في هذا الباب. فلهذا قال وإن ظن أنه يرحمه إلى آخره. بعض الناس pense que laisse-le, là ne le corrige pas, ne le punis pas. Et ça arrive beaucoup عند الأم. Et بعضهم pense que c'est ça, ar-rahma. Ça, c'est pas ar-rahma, c'est du dha'af. Ça, c'est de la faiblesse. Et fait, ça peut être uniquement pour cet enfant. C'est pour ça que tu trouves à notre époque une génération. On parle de musulmans, on parle pas des koufars. Une génération. Minal muslimin, ils ont été éduqués par des parents qui avaient des faiblesses et qui étaient touchés par beaucoup d'ignorance dans leur dîme. Et Kadhir Minoum, ils pensaient que Ar-Rahma, c'est l'Islam. Ahyanan, le père, il veut corriger. Pour que cet enfant, khasatan au départ, quand il est encore petit, pour que cet enfant, il comprenne. Et la mère, Arubama Harbun, avec le père. Laisse-le, Ar-Rahma, il sait pas. Thumma, cet enfant, il grandit, Hakada, protégé par cette mère Daïfa, et Yafsud, Iyadam Billah. Ou Yafsud, Ghaira. Une génération, Iyadam Billah, de casseurs, de voleurs, de délinquants dans beaucoup d'endroits, il est le SFC des musulmans, à cause de Hadihi, At-Tarbiya, As-Sayyi'a. Ou l'Ajib, Ahyanan, c'est pas la mère. Ahyanan, la mère, elle a de la quwa. Et elle veut corriger, et c'est le père qui a un dhaif. C'est le père qui a des faiblesses. On fait attention aux sentiments. Tout ça pour vous dire, Anna, le bien qu'on veut pour les musulmans, c'est pas comme ils disent, ahlu dhalal wa tamyi', le bon comportement, le sourire, il faut rien dire là. Al-hajr c'est une rahma. Lakin, al-hajr c'est comme un médicament. Quand il est bien donné, bien prescrit, bien placé. Et le médicament, c'est un mital tayyib. Intaha kalam Ibn al-Qayyim. On cite la référence, Irathatu al-Lahafa. Le médicament, c'est un mithal tayyib. Le médicament, ça peut être une rahma pour le malade. Bi-idnillahi azza wa jal. Et ahyanan, ce médicament, il est très douloureux. Ça peut être une opération, ça peut être une hijama, ça peut être bilkay, ça peut être avec un médicament qui a un mauvais goût. Lakin, al-natija, c'est une rahma. Si tu patientes, à la fin, c'est bénéfique pour toi. Hakada al-mithal qu'il a cité Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi wa hakada hada al-kalam li shaykh al-islam. Ana je vous cite hada pour qu'on s'habitue à comprendre hada ad-din comme ahlul ilm. Lian on vient à une époque an al-jahl intashar wa at-tamyi' kadhalik al-ghulu kadhalik ba'd an-nas ils essayent de montrer ils ont une conception des choses et en fait c'est du dhaya'. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi il a un autre kalam qu'on aurait pu lire ici mais on l'a pas bin nas. أن المؤمن للمؤمن كاليدين يا ربما vous connaissez هذا المثال الطيب il a cité أن المؤمن avec son frère c'est comme deux mains أحيانا une des deux mains elle est sale أحيانا une des deux mains elle est sale la saleté tu peux la comparer هنا au péché أو une bid'a أو un mauvais comportement pour nettoyer la saleté la main qui est propre elle doit frotter أما si la main qui est propre elle ne fait rien pour l'autre main. Et elle la laisse. Laisse-le. La rahma, le bon comportement. Il ne faut rien dire. Il est libre. Il a akhiri min hadha al-kalam al-dhaya' wa al-mabni al-jah. Est-ce que l'autre main elle va devenir propre? Là, elle restera sale. Ah, regarde ton frère. Falihada qala ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi ahyanan yahtaj shay min at-takhshin pour enlever la saleté. Et ça vous est déjà arrivé, hada. Quand ta main elle a été touchée par de la peinture, ou par de la graisse, ou des choses. Ahyanan, c'est très dur à enlever. Il faut mettre des produits tellement que tu frottes, à la fin, ta main, elle a rougi. Lakin, le résultat, ta main, elle est propre. Amma wahad, il dit là, faut pas que je me fasse de mal, faut que je ressente rien, je laisse comme ça. Sa main, elle va être toujours sale. Hakadha al-mu'min. Ça nous montre anna, chaque chose à sa place. Et on répète la base, ce rif. Et kadhalik al-insan. On a cité l'exemple du père avec son enfant, ou du professeur avec son élève, ou du frère avec son frère, ou l'homme avec sa femme. Enfin, ça dépend des situations. Ne pas comprendre, on peut appliquer ça avec tout le monde. Tu peux pas le forcer, ou tu peux pas lui parler comme tu vas parler avec ton enfant ou avec ton épouse. Là, chaque chose a sa place. Lakin, hada c'est un tambih tayyib. Falhajr c'est min hada al-bab. قال رحمه الله وغبيان وكلام ده شيخ الإسلام قال كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم أو قلوبهم هؤلاء الثلاث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم هاجرهم من المنافقين qui étaient présents et qui ne sont pas partis à la غزوة et ils ont trouvé des excuses ils ont menti النبي صلى الله عليه وسلم il leur a pas fait le هجر. C'est qui a profité de Hadal Hajj? C'est Ka'b, radiyallahu anhu, et les deux qui étaient ma'a. Amma al-munafiqoun, même s'ils n'ont pas reçu le hajra à cette époque, s'ils sont morts, ala nifaqihim, fa'iyadam billah, s'ils sont morts sur leur hypocrisie, c'est très très grave. Et ils ont tout perdu. Ça nous montre qu'on s'habitue à hada, ne pas s'habituer à faqat recevoir des compliments. Dès que wahid, il te fait une remarque, khalas. Yanna, on vit hada. Walil asab ba'd al-ikhwa, hiyanan. Une kalima, une nasiha, khalas. Il fait la tête pendant. Si celui qui te fait une nasiha, ton frère, il te fait une nasiha, il y a deux choses. Imma c'est haq, tu acceptes. Et normalement, tu lui dis barakallahu fi. Même si il a employé une certaine façon, on conseille les frères la douceur. Lakin, ahyanan, ça arrive avec le ghayra. Avec l'insan, tellement qu'il aime le din, il arrive à indaw shay min al ghayra wal quwa. Anta, tu dis alhamdulillah. S'il a dit ça, c'est qu'il m'aime, il veut mon bien. Et normalement, tu le remercies barakallahu fi. La solution, c'est pas de se taire. بعض الإخوة للأسف عكوز دي فبلس في العلم والإيمان الشيء من الهوى ربما يشوزي لزاميتي كلا بغابور هذا سي هذا يكون سيدخو لا هذا يكون سيدخو il va me parler de hijra, il va me dire que telle chose c'est interdit, il va m'enlever le foot, il va m'enlever tel sport, il va m'enlever, là il préfère un autre qui est plus doux. C'est pas fait ça les hikm, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité un frère qui te montre. C'est une ni'ma. Accroche-toi, fil haqiqa. Mais celui qui se tait, il te conseille jamais. Hada fil haqiqa, c'est pas bon pour toi. Et on a un exemple avec Ka'b ibn Malik, radiyallahu ta'ala an. Qala, walakin ulaika kanu sadatan muta'in fi asha'irihim. Fakanat al maslahatu diniyya. في تأليف قلوبهم وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان في هجرهم تأييد الدين. Ça, ça nous montre qu'on a, par rapport aux personnes, ça peut être différent. Le Nabi صلى الله عليه وسلم, أحيانا, il n'a pas fait le hajra à certains. لماذا? لأنهم, c'était des sada. Aïe, مثلاً, c'était des chefs de leur tribu. Et ils venaient de rentrer dans l'islam. Et ربما, ils n'allaient pas accepter comme Ka'b, رضي الله عنه, صحابي جليل. الإيمان تمكن من قلبه. الهجر 50 jours, c'était très très dur. Sabar, il a patienté. حتى جاءه الفرج من الله. Et là, on récite tous les versets qui ont été descendus par rapport à l'histoire de Ka'b. Allah rafa'a, رضي الله عنه. Ça nous montre que par rapport aux endroits, par rapport aux personnes, ça peut être différent. قال وتطهيرهم من ذنوبهم. On répète, فكان في هجرهم تأييد الدين وتطهيرهم من ذنوبهم وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. مثال طيب, القتال سي مشروع, الجهاد contre les كفارس سي مشروع. Depuis l'époque de notre prophète صلى الله عليه وسلم, إلى أن تقوم الساعة. لكن ça peut différer par rapport aux endroits, aux personnes, par rapport à la quwa des muslimines. Est-ce que les muslimines, ils ont la capacité amla? Est-ce que sa'adou, il est de telle catégorie amla? Falihada ahyanan, al-mashru' c'est le qital. Al-mashru' c'est le qital, c'est de combattre. Ahyanan al-mashru' c'est le muhadana, c'est al-sulh. Comme il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait sulh al-hudaybiya. Al-maslaha c'était de ne pas combattre. Pourtant c'était des ennemis de l'islam en face. Et kadhalik ahyanan c'est bil-jizya. أحيانا المسلمون يصنف في قوة الكافر إلى من أهل الكتاب إلى صغير إلى أكن بوا ففي حاله الجزية يبين أن بوا لعله سين رحمة pour lui, لعله en vivement avec les musulmans il ouvre les yeux et se convertit. Notre dîn il est fondé sur الرحمة comme on a vu dans notre درس précédent. هذا الباب, هذا الهجر سمن باب الرحمة. قال وجوابه الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل, ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع وبين ما ليس كذلك, ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود أو كان وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. Et ça, c'est un باب très très important في الهجر وفي غير الهجر. Connaître الأحوال والمصالح. C'est pas chaque chose qui a le même حكم. فلهذا une fatwa d'un savant elle peut être différente. La question c'est la même. La réponse elle peut être différente d'un pays à un autre, d'une personne à une autre. par rapport à l'ahwal, par rapport à l'mansalih, ila akhir. Baqiya, un point important, qui sait qui connaît l'ahwal ou l'mansalih, c'est ahlul ilm. فلهذا في هذا الباب باب الهجر غيره من أبواب الدين خاصة الأمور المهمة كالنوازل les choses nouvelles ou les sujets très très importants qui sont liés à la politique à l'État les sujets importants qui sont liés au divorce au mariage إلى آخره c'est pas tout le monde qui parle في هذا كذلك هذا الباب العظيم الهجر Et ne plus parler un musulman, ne plus le passer salam. C'est pas tout le monde. Si on ouvre les portes à tout le monde, hada, il va penser que telle chose c'est une maslaha, et qu'il y a un profit. Un autre, il va dire là, il n'y a pas de profit. Un troisième, il va emmener un autre qawl. Et on va se diviser entre nous pour ce mubtadi' ou ce fasq. Et ça, c'est pas min al-hikma. Falihada, fi hada al-bab wa fi ghayrihi, on doit revenir à ahlul sha'n, ahlul ilm, ahlul khibra, et ceux qui connaissent هذه الأمور qui ont de l'expérience. قال وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي الأعمال التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم فالطاعة لابد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره فالهجرة الشرعية c'est الأعمال التي أمر الله بها ورسوله الهجرة الشرعية أي سنعام qui englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné et كذلك son prophète alayhi salatu salam que ce soit hajr al-kuffar ou hajr bilad al-kuffar ay délaisser les kuffars ou délaisser leur pays ou délaisser les péchés ou délaisser les innovateurs comme on a vu ou ceux qui font des péchés tout ça ça rentre fait ism al-hijra et هذا الهجر il doit être بهذا الوصف العظيم فالطاعة لابد أن تكون خالصة لله. Vu que الهجر والهجرة c'est une عبادة عظيمة et chaque عبادة, chaque adoration elle a comme condition principale la sincérité. قال وأن تكون موافقة لأمره. Donc deux choses, deux conditions. La sincérité, l'ikhlas et le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. قال فتكون خالصة لله صوابا. خالصة لله زي الإخلاص صوابا أي على هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله هذا كلام جميل فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به même s'il est sincère tu as deux cas le premier il fait le hajr في الحقيقة c'est pour son nafs et on peut citer un exemple أن واحد qu'il aime pas il a pas l'aimé si il a pas plutôt à ne pas l'aimer si c'est son frère mu'min لكن مهم il l'aime pas pour certaines raisons et il fait une chose il le hajr au nom du din Si tu lui demandes, il dit, il a fait une bid'a, il suit Foulain, il a akhir. Tayyib. Un autre, il fait la même chose, au pire. Et vu qu'il est proche de lui, fala yaqul shay'an. La nasiha wa min babi awla, il n'y a pas de hajr. Ça montre que le hajr, il est pour un nafs. Il serait lillah, il n'y aurait aucune différence. Il serait lillah, il n'y aurait aucune différence. Fali hadha ja'a an Sufyan, rahmatullah alayhi, anna, celui qui aime vraiment un frère, محبة صادقة خالصة لله عز وجل ثم هذا الأخ المؤمن يشانج يتغير il le délaisse pas ففي الحقيقة il l'aimait pas في الله il l'aimait pour lui c'est un ami لأن s'il l'aimait vraiment في الله et le frère il change مثلا ça devient un kafir يدن بالله ou ça devient مبتدع منحرف il va pas revenir si il reste avec lui il l'aimait pas في الله là le lien qu'ils avaient c'était pour leur nafs c'est pour ça que qu'il change ou qu'il ne change pas, c'est la même chose. Amma celui qui aime fillah, là, s'il change, huwa, il change de comportement. S'il ne veut pas écouter, fa yatrukuh lillah, azza wa jal. Hada qawluhu fa man hajra li hawa nafsih. Aw hajra hajran ghayra ma'mourin bih. La deuxième catégorie, il fait le hajr lillah, lakin bijahl. Il se précipite. Rubama l'akh kalima, il aurait accepté. Rubama, Le fait qu'il ne passe pas le salam, ça fait quelque chose, ça implique des choses très très graves. n'y a plus de dorous, le masjid y ferme, des choses qu'on aurait pu éviter. هذا القسم يفون الهجر لكن بجهل. Donc tu as ceux qui font le hajr pour eux-mêmes, pour leur nefs, ils ont un problème fait l'ikhlas, et tu as ceux qui font l'illah, lakin ils mélangent tout à cause de leur ignorance. Les deux cas, ils font du mal. فلهذا قال شيخ الإسلام كان خارجا عن هذا وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظنة أنها تفعله طاعة لله. Ça c'est une nasiha pour nous جميعا. ما أكثر ما تفعل النفوس أي beaucoup. Beaucoup, ربما, on fait des actes et on pense que c'est l'illah, c'est une ta'a, c'est une obéissance. Et si on réfléchit et on cherche, on gratte, فالحقيقة, c'est pour notre nefs. Et هذا, c'est خطير. Et on doit tous se remettre en question. Ne pas penser que ça arrive qu'aux autres. On a déjà cité une faïda azima, anna, quand tu lis le Coran, ou tu lis Sunnat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ou tu lis Kalam Ahl al-Ilm, ne pense pas que c'est que pour les autres. بعض الناس يفون lire مثل هذا الكلام يفون dire صحيح هذا je l'ai vu chez un tel un tel et s'oublie lui. Regarde toi أولا comment t'es et réfléchis bien sur ce que tu fais le hajra fulan c'est l'Allah ou c'est pour toi et tu réfléchis et c'est très simple à savoir, c'est très simple à savoir avec كلام شيخ الإسلام. On ne regarde pas que les autres, là il y en a celui qui regarde que les autres, il va s'oublier lui-même. فقال ظنة أنها تفعله طاعة لله. C'est pour ça que le ba'd, ils font des choses et c'est bismuddin, c'est au nom du manhaj. Je fais le hajr, il lui fait le hajr, c'est par rapport au commerce. Il lui fait le hajr, c'est par rapport à leur femme. La femme, elle a eu un problème avec hada, ils font passer ça sous manhaj. Ils font le hajr par rapport à dunya, des choses, iyadam billah. Celui, et fait le haqiqa, celui qui fait le hajr, il sait ce qu'il y a dans son cœur. Celui qui ressent que c'est pas l'Illah, فليتوب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن c'est très très grave de faire une ma'asiyah au nom du din. C'est très très grave. والله سبحانه وتعالى قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. La solution c'est هذا, c'est suivre la sharia. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها الاتباع. ما celui qui veut faire le hajr comme il pense, ou il suit la majorité, tout le monde fait le hajr, je fais le hajr. هذا لا يجوز, لا, لأن ce مؤمن il a un حق. Et le hajr c'est quelque chose qui vient après, ou il a la base, c'est que c'est un musulman, c'est notre frère. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم il a interdit le hajr. Enfin, le hajr c'est quelque chose qui vient en plus. Et il faut une preuve. Il n'y a pas de place à « je pense, on m'a dit, il paraît ». Il n'y a pas de place à « hada village ». Il a fait ou il n'a pas fait. Il y a une preuve « amla ». Thumma, bien sûr, avec « kalam ahl al-ilm ila akhiri ». Et on regarde, est-ce que on lui fait le « hajr » « amla ». Naam. Tout ça, vous avez remarqué, on parle « hajr » avec ton frère. « Amma ahlul bida' wa dalal, ikhwani, soufi, shi'i, rafidhi, jahmi, aj'ari, va hada ». Écarte-toi d'eux, c'est des ashrar. Maintenant, on cite les nasaïh pour fermer la porte à un shirk qui s'est propagé très très vite entre frères. Et ahyanan, même si ce frère avait des faiblesses, on peut récupérer ce frère, on peut lui montrer avec ilm, avec rifq, et le frère il revient et tout le monde fait des erreurs. Fahada, amma avec ahlul bida' fataqaddam ma'ana. Qala wal hajr li ajli hadd. الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث كما جاء في الصحيحين. إيه ça c'est une faïda عظيمة وتقدمت معنا أن tu peux faire le hajr pour ta personne لكن pas plus de 3 jours. مثلا واحد il t'a dit une mauvaise kalima ou il a un mauvais comportement, il s'est passé quelque chose et ton nefs فيها شيء contre cette personne, t'as le droit 3 jours. أما au-delà de 3 jours il n'y a plus de place pour ton nefs. Et ça c'est من باب كذلك الرحمة. L'être humain, il est hakada, on a des faiblesses, fahyanan, tu peux plus. Wahid, il t'a fait quelque chose, tu peux pas lui parler directement. Ces 3 jours, walillahi alhamd, ça te permet de lui pardonner, de passer à autre chose. Qala, kama ja'a fi as-sahihayn, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala, la yahillu li muslimin an yahjura akha fawqa thalath, yaltaqiyan, yasuddu hadha wa yasuddu hadha, wa khayruhuma alladhi yabda bis-salam. Au-dessus de 3 jours, la yajouz. Et si après 3 jours, il continue de ne pas se passer le salam, le meilleur d'entre eux, c'est celui qui passe le salam. Et كذلك, celui qui passe le salam, bi'idnillahi azza wa jalla, il a ouvert une porte. Et on ne s'habitue pas à répondre hakada, le mal par le mal. Il passe pas le salam, donc je lui passe pas le salam. Là, si tu fais l'illah, passe le salam. Il répond pas. Walilalhamd, tu as passé le salam, tu es récompensé. Et tu es afdol min. Tout ça l'illah azza wa jalla. Amma, agir par rapport aux autres da'iman, il me passe pas le salam. Pourquoi je passe le salam? Lui, il me passe pas le salam. Au ba'd an-nas yaqulun, mais pourquoi ce serait pas lui qui commencerait? Et la fierté, elle rend. Ce hadith, fil haqiqa, il nous enlève la fierté. Qala aysa salam wa khayruhuma alladhi yabda bis salam. La fierté, elle va t'apporter quoi? Elle va rien t'apporter. C'est que le shaitan. La force, c'est pas hada. La force, c'est quoi? Al-qawi, c'est quoi? C'est celui qui va vers son frère et lui passe le salam. C'est ça, al-qawi. Amma, faire le hajr, c'est facile. Bel, c'est fi hada al-hal, quand c'est avec ton frère et c'est bi ghayr haqq, c'est tariqat ad-du'afa. Vu qu'il est pas capable d'aller s'excuser ou de passer à autre chose ou de montrer bi ilm, fa la meilleure solution c'est le hajr. Ba'dhum hakada. Le hajr, fil haqiqa, c'est pas du hajr, il se sauve. On doit s'écarter de hada. C'est ton frère, je me suis trompé, je m'excuse. Il s'est trompé 3 jours, on passe à autre chose. Même si c'est lui. Afallahu anka, salam alaykoum, et tu l'aides. Et intahina. قال فلم يرخص في هذا الهجر أكثر من 3. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تفتح أبواب الجنة كل 2 و5. Les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et jeudi. فلهذا c'est bien de jeûner le lundi et le jeudi. لماذا؟ لأن تعرض الأعمال. قال فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء شحناء أي بغضاء أي entre lui et son frère il y a un problème, il y a quelque chose, il ne se parle plus, il ne se passe plus le salam. فيقال انظروا هذين انظروا أي laissez ces deux. فتأملوا الحديث. الله سبحانه وتعالى il pardonne à tout le monde, bien sûr, الذين لا يشركون بالله شيئا أي les croyants, المسلمون, sauf cette catégorie de personnes. قال انظروا هذين حتى يصطلحا. Et laissez ces deux de côté jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Alors, la fierté, elle va t'apporter quoi? La fierté. Si tu peux être une cause de te réconcilier avec ton frère, réconcilie-toi. La fierté, elle va t'apporter quoi? La fierté, elle va te pousser à faire partie de Haoula, qui sont pas pardonnés. L'imad. Tout ça, c'est mina shaytan. قال فهذا الهجر لحق الانسان حرام وانما رخص في بعضه. هذا الكلام اللي جميل. Ça te montre que l'asl, c'est que c'est haram, le hajr. Et il y a une rukhsa, il y a une permission dans certains cas. Et on les a vus. قال فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق نفسه فالأول مأمور به والثاني منهي عنه. Donc le hajr لله عز وجل, هجر الكفار, هجر المبتدعة, هجر الفساق, quand il y a une maslaha إلى آخره, tout ça c'est لله. Amma, quand c'est pour le nefs, fa c'est haram. Aïe, au-dessus de 3 jours. لأن المؤمنين إخوة وهذا لأن الهجر من العقوبات الشرعية فهو من جنس الجهاد في سبيل الله وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. هذا سين كوباريزون طيبة. أن الهجر سيكم الجهاد. أي أنف هذه العبادة العظيمة لإعلاء كلمة الله عز وجل. Pas pour notre nefs. C'est pour ça que le jihad fi sabilillah c'est une ibada azima. Le but c'est quoi? C'est d'élever din Allah azza wa jalla, et rubbama l'insan y perd sa vie. Mais si on penserait qu'à notre nefs, tu ne peux plus faire le jihad. Voilà. Le hajr c'est la même chose. On fait le hajr pas pour nous. Là, on fait le hajr lillahi azza wa jalla, bien sûr avec les conditions que Cheikhul Islam il a citées. Il y a une deuxième cause. On l'a déjà cité dans la première partie du cours. Al hajr kadhalik مشروع لحفظ دين الإنسان. On regarde pas que التأثير comme on a dit. لأن أحيانا ça peut être des mauvais tadia, ils ont plus de ilm que toi. Et si tu leur parles, tu leur passes le salam, ربما ils se mélangent, ils veulent te fréquenter. Et si tu les fréquentes, ils feront du mal à ton din. في هذا الحال, écarte-toi d'eux. Écarte-toi. Et si le hajr ça pousse à une mafsada azima, même si tu passes le salam, on a donné l'exemple, مثلاً, vous êtes dans la même mosquée, même si te passe le salam, tu le réponds et ça s'arrête là, fa alhamdulillah. Fa ne pas comprendre anna, si ce mubtadi' il écoute pas khalas, on a le droit de parler avec lui. Là, si il peut te faire du mal et tu as peur pour ton cœur et il a des choubahs, fa écarte-toi. Ça va dans les deux sens. Il y a une maslaha azima pour toi. Et on a cité dans le dars précédent Kalam ibn Abd al-Barr. Kadalik al-Imam al-Nawawi il a un kalam fi hadha. Il montre maslaha al-hajir wa al-mahjur. Si anta, il y a une maslaha azima pour toi de préserver ton thé, fa écarte-toi de ahl al-bida'. Et l'achak. C'est pour ça que as-salaf, wa minhum Abdullah ibn Abbas, رضي الله عنهما الصحابي الجليل قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. Ne fréquentez pas les innovateurs. Si tu les fréquentes, ton cœur va tomber malade. Ça montre أن ne pas les fréquenter c'est du hajj. ثم le fait de passer le salam amla dans certains cas ça peut emmener un mal plus grand إلى آخره. Enfin, même si tu passes le salam dans un certain cas, dans certaines situations, أما se mélanger là. Et si c'est un munharif en dal, al-hajr. Al-hajr, bien sûr, sauf s'il y a une mafsada azima. Amma, ouvrir la porte. Ba'adhanas, ils ont compris kalam sur l'islam. Anna, là, il n'y a aucune faïda, donc on se mélange avec eux. Wa'adhum bali disent, il y a une maslaha. Faut se mélanger avec eux. Hatta, on leur montre sunnah. Combien de gens, ils sont rentrés fi ba'd al-jam'iyyat, ou fi ba'd al-ahzab, et ils ont voulu leur montrer, et taghayyaru. Et ba'adhum, ils prennent comme explication la parole de Cheikh l'islam. Cheikh l'islam, il a jamais dit hada. Lakin, le kalam, بعض الناس, ils le comprennent comme ils veulent. Voilà. Ne te mélange pas à eux. خاصة celui qui n'a pas de ilm. Ils ont des shubuhat khatira. Ou al-qulub dha'ifa. Enfin, préserve ton din. Ne te mélange pas à eux. Ahlul bid'a wa shar. Et, al-Sheikh al-Allama, al-Tawiji, rahmatullah alayhi, dans ce livre, le dernier fasl, il a cité kalam al-salaf fi ahlul bid'a, fi al-hajr. Et on les lira ensemble. Inch'Allah ta'ala, cette précision elle est muhimma huna. Qala wal mu'min 'alayhi an yu'adi fillah wa yuwali fillah fa in kana hunak mu'min fa 'alayhi an yuwalihi wa in zalama fa inna adh-dhulm la yaqta' al-muwalat al-imaniyah. Qala Allah ta'ala wa in ta'ifatan min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahum 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil-'adl wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. إنما المؤمنون إخوة فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي وأمر بالإصلاح بينهم. Malgré que un des deux groupes il a été injuste, ça reste des frères. فلهذا قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة. Pourtant au début c'est écrit ou Allah سبحانه وتعالى plutôt il a cité l'iqtital. اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم. قال فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر وليعلم أن المؤمن تجب موالته وإن ظلمك. كلام النفيس أن المؤمن تدوى لما في الله c'est un allié pour toi, c'est ton frère, وإن ظلمك, même s'il a été injuste, ça reste ton frère مؤمن. Et bien sûr, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire s'il est injuste. Lakin, le traiter comme un kafir ou le détester comme un kafir, abadan, ça reste un mu'min. Qal wa'tad alayk. Même s'il te fait du mal, ça reste un mu'min. Ça, c'est pour celui qui aime et qui déteste pour Allah Azza wa Jal. Amma celui qui pense qu'à son nefs, falasha qui va détester ce mu'min, rubbama plus qu'un kafir, ayyadan billah. Qal wal kafir tajib mu'adatuhu wa in a'taak wa ahsana ilayk. Et le kafir, on doit le détester même s'il te donne. On répète, هذا, c'est pour celui qui aime pour Allah et déteste pour Allah. Les naskafir, même s'il te donne à toi, فَلَا يُؤْمِن بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِن بِالرَّسُولِ وَلَا يُؤْمِن بِالْقُرْآنِ. Et Rabbama, il fait du shirk, il ne croit pas. L'insan, il ne pense pas qu'à lui. Il m'a donné, donc il est bien. Et i'lam, en général, il y a des kafirs, ils donnent vraiment pour aider l'akhirah. Lakin, en général, خاصةً المؤسسات, toutes les organisations comme l'UNICEF et l'akhirah, ces organisations de kuffar qui font du bien, i'lam annahu, ils ont un maqsad. C'est pour, quand c'est dans les pays musulmans, c'est pour combattre l'islam, kathiran. فَالْإِنسَانَ لَا يَغْتَرْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ الرُّسُولُ وَأَنزَلَ الْكُتُبُ لِيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ فَيَكُونَ الْحُبُّ لِأَوْلِيَائِهِ وَالْبُغْضُ لِأَعْدَائِهِ وَالْإِكْرَامُ لِأَوْلِيَائِهِ وَالْإِهَانَةُ لِأَعْدَائِهِ وَالثَّوَابُ لِأَوْلِيَائِهِ وَالْعِقَابُ لِأَعْدَائِهِ. Tout ça, taqaddam ma'ana wa lillahi alhamd dans cette risala. وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الرَّجُلِ الْوَاحِدِ خَيْرٌ وَشَرٌّ والتقى وفجور وطاعة ومعصية والسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الشر. هذا كذلك تقدم أن tu peux aimer une personne et la détester. Tu l'aimes parce que c'est un mu'min, c'est ton frère, il est akhiré, et tu le détestes par rapport au péché qu'il a ou par rapport à la bid'a qu'il a. ثم est-ce qu'on lui fait le hajr ام لا? C'est ce qu'on a cité dans ce dars. قال فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. C'est un exemple طيب. Donc tu peux aimer واحد et le détester en même temps. Tu l'aimes par rapport à son iman et tu le détestes par rapport à ses mukhalafat, ses péchés, son innovation, إلى آخره. كاللص الفقير, un voleur, il est pauvre et il vole une certaine somme et mérite que sa main soit coupée, enfin le gouverneur il lui coupe la main. Et en même temps, يعطيه من بيت المال. Et كذلك, vu que c'est un faqir, il a besoin, كذلك il lui donne de l'argent, بيت المال المسلمين. Et les caisses de l'État, il l'aide. Et il lui coupe la main parce qu'il a volé. انظروا, la punition, lui ont coupé la main et en même temps, il l'aide. هكذا notre comportement avec le mu'min. On l'aime et on s'entraide avec lui في طاعة الله. Et par rapport au péché, il a akhiré. On le déteste via le bab et on le conseille à l'akhir. S'il ne veut pas s'arrêter, ça va impliquer des choses qu'on a étudiées ensemble. قال هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة انتهى كلامه رحمه الله. نعم, اتفاق أهل السنة. Tout ça c'est selon l'unanimité de أهل السنة. قال الشيخ حمود رحمة الله عليه انتهى كلامه رحمه الله تعالى ملخصا. Donc il l'a résumé, Cheikh Hamoud. Il n'a pas tout cité. Et celui qui veut Al-Kalam en entier, enfin, il a cité la référence, Majmou' Al-Fatawa. قال وفيه فوائد جليلة ليست في كلام غيره من العلماء الذين تقدم ذكرهم فليتأمل من أوله إلى آخره فما أحسنه وأنفعه في هذا الباب. صحيح, كلام جميل في الهجر. Et Cheikh Hamoud, il l'a cité, on l'a lu ensemble. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. نكتفي بهذا القدر. On voulait ajouter une, ou بعد فتاوى علماء العصر, comment se comporter avec أهل المعاصي par rapport au هجر. Inch'Allah, le prochain cours, au début de notre cours, on les lira. ثم on passera au prochain chapitre. Inch'Allah تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.